qui espères, toi tu dragues et te caches en ton silence. Vague amère d'une mer divague, même si je crois au miracle, je me doute de ma sentence. Si tu veux partir, ou bien pars maintenant, lentement, doucement, mais sûrement, avant que mon cœur m'embrasse ton sang. Si tu veux partir, ou bien pars maintenant, va t'en pendant qu'il est encore temps, avant qu'on m'éveille. Sais-je pour toi? Maladresse, adresse du mal, il me reste un pétale et je le garde pour moi.